السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، donc le cours d'aujourd'hui est le quatrième cours sur l'explication du chapitre des transactions du livre Nour al-Basair wal-Albab du Cheikh Ibn Sa'di rahimahullah et que nous avons nommé l'essentiel des règles du commerce et des transactions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son aide, nous facilite la compréhension et l'application de la science. Donc l'auteur a dit, rahimahullah, Faslun al-ghasb. Wal-ghasbu huwa al-istila ala mali al-ghayri bi-ghayri haqqin wa huwa min a'zami al-muharramat. ويجب على الغاصب رد المغصوب ولو غرم على رده أضعافه فإن تلف ضمن المثل بمثله والمتقوم بقيمته فرط أو لا وعليه أجرته مدة مقامه بيده ونماء المغصوب وكسبه لمالكه وليس لعرق ظالم حق فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرضى صاحب الأرض بالمعاوضة وأما غير الظالم كغراس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق الإبقاء لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته أو بما اتفق عليه. Il a dit, rahimahullah, chapitre sur le rasb. Et le rasb signifie le fait de saisir ou de s'approprier les biens d'autrui sans aucun droit. Et ceci fait partie des plus grandes interdictions. Il est donc obligatoire à celui qui a pris un bien injustement de rendre ce qu'il s'est approprié sans aucun droit. Et ce, même si le fait de le rendre lui fait perdre beaucoup plus que sa propre valeur. Et si ce bien est détruit, alors il lui est obligatoire de rendre son semblable ou bien sa valeur s'il n'a pas de semblable. Et ce, peu importe qu'il ait été détruit par négligence ou non. Et c'est lui également qui prendra en charge son prix en location pendant qu'il est en sa possession. Et toute la plus-value et les rentes générées par le bien reviendront à son propriétaire d'origine. Et ce, car le travail de plantation de l'injuste ne lui accorde aucun droit. Il sera donc imposé à celui s'étant approprié un bien sans droit de retirer ce qu'il a planté ou construit, mis à part si celui à qui appartient la terre accepte une contrepartie. Quant à celui qui n'est pas coupable d'injustice, comme par exemple celui qui a loué et cultivé ou bien construit sur une terre volée par autrui, alors lui aura le droit de garder ce qu'il a fait, mais à condition de se mettre d'accord avec le propriétaire de la terre. Soit en le laissant en échange d'un salaire, ou bien en le vendant au propriétaire de la terre selon sa valeur, ou bien selon ce sur quoi ils se sont mis d'accord. Dans ce passage, l'auteur, rahimahullah, a mentionné al-ghasb, c'est-à-dire le fait de prendre et de s'approprier les biens d'autrui sans aucun droit, et ce, que ce soit par le vol, le pillage, la ruse ou autre. Et donc, il est obligatoire à celui ayant pris des biens injustement de les rendre à leur propriétaire. Il a dit Jalla wa ala, Inna Allah ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahliha. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Il lui est donc obligatoire de rendre ce qu'il a pris injustement, et ce, même si cela lui coûte encore plus cher que les biens en eux-mêmes. Comme par exemple, s'il les a déplacés dans un endroit lointain et que le fait de les faire revenir lui coûte très cher, eh bien, il lui sera quand même imposé de le faire car il les a pris injustement. Et s'il perd le bien ou le casse ou ne peut plus le récupérer, alors il devra rendre son équivalent s'il a un équivalent. Et s'il n'a pas d'équivalent, alors il devra lui donner son équivalent en argent. Et ce, peu importe qu'il l'ait cassé ou perdu volontairement ou involontairement. Car à la base, il l'a pris injustement et sans aucun droit. De même, il lui sera obligatoire de payer la somme qu'aurait rapportée la location de ce bien pendant qu'il était en sa possession. Comme par exemple, s'il lui prend sa voiture injustement pendant 5 jours, et que le prix de la location de cette voiture est de 30 euros la journée, alors il devra lui donner également 150 euros, équivalent au jour de location manqué à cause de son injustice. Et également, si le bien prend de la valeur, eh bien, la valeur ajoutée reviendrait également à son propriétaire d'origine. Ensuite, l'auteur a mentionné, rahimahullah, que si celui qui a pris le bien justement fait quelque chose avec ce bien ou bien une transaction, alors cela ne sera pas valable et sera rejeté, que ce soit une vente, une construction, une plantation ou autre. Comme par exemple, s'il construit une maison sur une terre volée, ou bien qu'il y fasse une plantation, eh bien, il lui sera imposé d'enlever cette construction ou cette plantation. Et ce, car de base, il n'a aucun droit sur cette terre. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui construit sur une terre appartenant à autrui n'aura aucun droit. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi et authentifié par Sheikh Al-Albani. Il lui est donc obligatoire de retirer ce qu'il a construit ou planté, mis à part si celui à qui appartient la terre accepte de les garder et de payer leur valeur à l'injuste qui les a construits ou plantés. Dans ce cas-là, alors, il pourra les laisser et prendre leur valeur en contrepartie. Et ainsi, cette solution arrangera les deux parties. Par contre, si celui qui a construit ou planté sur cette terre n'a pas fait cela injustement, mais par erreur, comme par exemple si par erreur il a construit sur une mauvaise parcelle de terre en pensant que c'était la sienne alors qu'elle appartenait en réalité à son voisin, alors dans ce cas-là, il ne lui sera pas imposé de retirer sa construction ou sa plantation, et ce, car il n'a pas été injuste, mais cependant, il devra trouver un arrangement avec le propriétaire, soit en lui rachetant sa terre, soit en lui vendant ce qu'il a construit, ou autre parmi les solutions sur lesquelles ils se sont mis d'accord. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, est plus savant. Ensuite, l'auteur a dit, rahimahullah, وجميع أنواع الشركات في المعاملات جائزة بما فيها من الشروط إلا إذا شرط فيها شروطا تدخلها في الجهالة والغرر وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر وكفيل عنه بما يلزمهما من متعلقات الشركة والزيادة الحاصلة في الأموال المشتركة للشركاء على قدر أملاكهم وكذلك النقص عليهم على قدر أملاكهم. Il a dit, rahimahullah, chapitre sur l'association, donc dans le commerce, et l'ensemble des sortes d'associations dont les transactions sont permises, avec ce qu'elles comportent comme conditions. Mis à part si des conditions la font entrer dans l'inconnu ou le dissimuler. Et certes, chaque associé est un membre à part entière par sa personne, et il est également mandataire et garant pour les autres dans ce qui leur est imposé concernant les affaires de la société. Et les bénéfices dans les biens en commun reviendront aux associés en fonction de leur part dans la société, et de la même manière, les pertes seront partagées en fonction de leur part. المساقات على الأشجار والمغارسة عليها والمزارعة على الأرض فكل ما اتفق عليه المتعاملان فيها مما لهما وعليهما أو لأحدهما فهو جائز وهذا لا يحصى من كثرته وإنما الممنوع فيها وفي غيرها الشروط التي تعود إلى الغرر فإن الغرر ميسير وقمار سواء دخل في المعاملات أو في المغالبات. Il a dit, rahimahullah, et parmi les sortes d'associations dans les transactions, le fait d'arroser les arbres, de les planter et de cultiver la terre. Et donc, tout ce sur quoi se sont mis d'accord les deux parties de la transaction, qu'il soit pour eux ou sur eux, ou pour l'un d'entre eux ou sur l'un d'entre eux, est permis. Et certes, les sortes d'associations dans les transactions sont tellement nombreuses qu'il est impossible de les dénombrer. Et parmi elles, Seules les conditions qui m'aident à l'inconnu ou au dissimulé sont interdites. Et ce, car l'inconnu et le dissimulé sont considérés tels les jeux de hasard, et ce, que ce soit dans les transactions ou les compétitions. Dans ce passage, l'auteur, rahimahullah, a parlé de l'association dans les transactions et du fait de s'associer dans le commerce et les différentes sortes de transactions. Et donc, il a mentionné, rahimahullah, que la base et que l'ensemble des associations dans le commerce et les transactions sont permises et autorisées. Que ce soit Sharikatul Anan, qui consiste à ce que deux personnes ou plus s'associent avec leur argent et en travaillant également dans ce commerce, ou bien que ce soit Sharikatul Al-Mudaraba, qui consiste à ce qu'une personne s'associe avec une autre, elle en investissant son argent et l'autre en travaillant, puis ils se partageront les bénéfices selon ce sur quoi elles se sont mis d'accord. Ou bien que ce soit Sharikatul Abdan, qui consiste à ce que les associés travaillent ensemble sans avoir investi d'argent, puis se partagent les bénéfices selon ce sur quoi ils se sont mis d'accord. Ou bien que ce soit une autre sorte sur laquelle ils se sont mis d'accord. La base est donc qu'il est permis de s'associer dans le commerce, mis à part si cette association comporte des interdits ou des conditions qui la rendent inconnue ou dissimulée. Comme par exemple, s'ils ne se sont pas mis d'accord sur le pourcentage du bénéfice de chacun, ou bien que l'un mette comme condition de s'associer sur les bénéfices seulement en dehors des pertes, ou autres parmi les interdits et les inconnus. S'associer dans le commerce est donc permis tant que cela ne comporte pas d'interdit, et ce, car la base dans les transactions et les habitudes est la permission. De plus, la société a grandement besoin de cela, et surtout pour les grands projets et les grandes entreprises, qu'il n'est pas possible à une seule personne de gérer toute seule. Mais bien sûr, il convient à celui qui souhaite s'associer dans un commerce de bien se renseigner et d'étudier le sujet d'un point de vue religieux ainsi que mondain avant de se lancer. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la réussite. Ensuite, l'auteur a mentionné, rahimahullah, que les bénéfices gagnés dans les biens en commun seront partagés entre les associés en fonction de leur part des biens. Comme par exemple, si deux associés possèdent une terre qu'ils mettent en location et qu'un des deux associés possède un tiers et l'autre deux tiers, alors le loyer sera partagé entre eux de cette façon. Le premier recevra un tiers et le deuxième recevra deux tiers. Ceci est donc le partage lorsque les biens sont en commun. Par contre, lorsque l'association est liée à l'entreprise et non pas aux biens en eux-mêmes, alors, dans ce cas-là, chacun recevra la part sur laquelle ils se sont mis d'accord au départ. Et ce, même si cela n'est pas semblable à la mise de chacun. Car ici, d'autres paramètres peuvent rentrer en considération, comme le temps de travail par exemple. Et enfin, concernant les pertes, eh bien, elles seront partagées entre les associés en fonction de leur part des biens qui leur appartient. Et ce, peu importe que l'association soit liée aux biens en commun ou bien à une association dans une entreprise. Et ceci selon le consensus des savants. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, après cela, l'auteur, rahimahullah, a mentionné certaines sortes de transactions sur lesquelles les personnes peuvent s'associer, telles que le fait qu'une personne qui possède des arbres se mette d'accord avec une autre personne afin qu'il lui arrose ses arbres en échange d'un pourcentage des fruits qui seront récoltés des arbres. Ou bien une personne qui possède une terre vide s'associe avec une autre personne afin qu'il lui plante des arbres sur cette terre et en échange, il recevra une partie déterminée de la récolte et ce pendant une certaine période. Ou également qu'une personne qui confie une terre à une autre personne afin de faire de l'agriculture, et ensuite ils se partagent la récolte selon ce sur quoi ils se sont mis d'accord. Et certes, les sortes de transactions sur lesquelles les gens peuvent s'associer sont tellement nombreuses qu'elles ne pourraient être dénombrées. Et donc, la base est qu'elles sont toutes permises et autorisées tant qu'elles ne comportent pas d'interdits, tels que les conditions amenant à l'inconnu ou au dissimulé. Comme par exemple si le pourcentage du partage du bénéfice n'a pas été établi entre eux, ou également s'ils se mettent d'accord pour que l'un d'entre eux prenne une partie de la terre en récolte et le second l'autre partie, et ce, car il est possible que la récolte ne fonctionne que dans une partie, Et donc, la deuxième partie sera perdante et n'aura rien gagné. Les inconnus dans les transactions sont donc en réalité semblables au jeu de hasard dans lequel une somme d'argent est misée et sera remportée par le vainqueur, alors que le vaincu, lui, perdra son argent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu, Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divinisation ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Sourate 5, verset 90. Et ceci nous emmène à parler du chapitre suivant et qui est As-Sabr. Donc l'auteur a dit, rahimahullah, wa innama ajaza ash-shari'u al-mughalaba fi musabaqati al-khayri war-rikabi was-siham walau bi-ju'lin lima fi dhalika min maslahati at-taqwiya 'ala al-jihadi fa maslahatuha rajihatun 'ala madarratiha wa amma ma siwaha min al-mughalabati bi-'awdin fa huwa muharramun wa maysir wallahu a'lam. Il a dit, rahimahullah, et donc, le législateur n'a autorisé les courses et les compétitions que pour les chevaux, les chameaux et le tir à l'arc. Et ce, même si c'est en échange d'une récompense, à cause de ce que cela comporte comme bénéfice de se renforcer pour la lutte. Son bénéfice est donc plus important que la nuisance. Quant aux autres sortes de compétitions qui comportent des gains, eh bien, elles sont interdites et ce sont des jeux de hasard. Et Allah est plus savant. Donc après avoir mentionné dans le passage précédent l'interdiction des jeux de hasard et des gains qui sont gagnés dans les jeux, dans ce passage, l'auteur, rahimahullah, a mentionné certaines exceptions dans lesquelles il est permis de faire une course ou une compétition et que le vainqueur reçoive une somme d'argent en récompense. Et ce, car ces sortes de courses et de compétitions comportent un intérêt plus grand encore que le méfait lié à la somme d'argent qui est misée. Et cet intérêt et le fait que les musulmans soient forts et prêts pour la lutte. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Point de course, mis à part pour les chameaux, pour le tir à l'arc et pour les chevaux. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Shir al-Albani. Les courses et les compétitions sont donc autorisées avec une récompense en jeu pour ces trois points, qui sont les courses de chevaux, les courses de chameaux et le tir à l'arc. Mais également par analogie à tout ce qui renforce les musulmans et les aide à la lutte dans le sentier d'Allah. Comme par exemple les véhicules dédiés à la lutte qui ont actuellement remplacé les chevaux et les chameaux, ou également par exemple les concours dans la science religieuse, qui sont une cause pour la propagation de la science et le secours de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc la première sorte de compétition et de course, et dans laquelle les gains sont autorisés pour ce que cela comporte comme bénéfice pour le secours de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, la deuxième sorte de compétition est celle qui détourne des obligations religieuses, et donc, bien sûr, cette sorte de course et de compétition est interdite car elle détourne de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. De même, pour la troisième sorte de jeu et de concours, et qui sont les jeux de hasard, tels que les jeux de dés par exemple. Imam Ahmed a rapporté, d'après Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui joue aux dés a certes désobéi à Allah et à son messager. Et donc, cette sorte de jeu est interdite, et encore plus si de l'argent est misé. Et ce, pour ce que cela comporte comme méfaits, qui sont connus de tous, et les textes sur l'interdiction des jeux de hasard sont connus également. Et enfin, la quatrième sorte de course et de compétition est celle qui ne fait partie d'aucune des catégories mentionnées précédemment, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas une aide pour la lutte, mais en même temps, elles ne détournent pas des obligations et ne sont pas des jeux de hasard. Et donc, ces courses et compétitions sont permises, mais il n'est pas permis de recevoir des gains pour celles-ci. car cela est permis seulement pour ce qui aide à secourir la religion d'Allah Azzawajal. Et certes, pour la première catégorie, qui sont les courses et les compétitions dans lesquelles il est permis de recevoir des gains, il y a certaines conditions à respecter, comme premièrement la distance de la course ou du tir qui doit être connue, également que les montures soient de même nature, et aussi que la somme du gain soit connue et déterminée. Et enfin, que la récompense soit donnée par une personne tierce ne participant pas à la course, et ceci est permis selon le consensus des savants. Certains autres savants disent également qu'il est permis que les gains proviennent de l'un des deux ou bien des deux participants, mais à condition qu'il y ait un juge ou un arbitre afin de les départager. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Voici donc pour ces quelques règles résumées concernant les courses et les compétitions, et nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous facilite l'étude et la mémorisation de la science, et qui nous aide à la mettre en pratique. Hada, wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad.